L'amour et la dévotion, ben, qui, moi, on est dans d'autres choses, là. De la spiritualité, pas ta part. Puis bon, moi, la spiritualité, je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon là-dedans.